y a plusieurs domaines où justement on se rend compte que les Africains sont carrément coupés du système allemand. Ils n'ont pas accès parce qu'ils n'ont pas l'information. Peut-être parce qu'ils sont objets de. Ils font des expériences racistes qui les frustrent. Donc, et dans ces domaines-là, donc, il faut essayer de voir comment, malgré ces obstacles, déjà rapporter leur doléance, mais également trouver des solutions pour leur donner accès donc à tous les domaines. Afrique Média, le monde, c'est nous.